me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. L'eau couvrait toute la surface de la Terre, comme au commencement quand la Terre ferme n'avait pas encore émergé. Alors, Noé lâcha une colombe. La colombe revint à Noé vers le soir. Et voici qu'elle tenait dans le bec un rameau tout vert d'olivier. Et l'arche s'arrêta au 7e mois, le 17e jour du mois, sur une montagne d'Arara. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment cultivait-on l'olivier dans l'Antiquité, dans le pourtour méditerranéen? Quelles étaient les techniques d'irrigation et quels règlements pour gérer l'eau dans les zones sèches? De quand datent les champs en terrasse? Quels étaient les travaux manuels? Et comment protégeait-on ce patrimoine agricole des fléaux naturels? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long dans le cadre de sa série sur 2 années intitulée « Techniques et économies de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique ». Dans sa présentation, l'archéologue explique, et je le cite, que les olives et l'huile d'olive ont été parmi les principaux produits agricoles de l'Antiquité. Elles ont fait l'objet de productions domestiques ou artisanales, de trafics commerciaux, de prélèvements de tributs et de distributions publiques. Hier, l'archéologue a ouvert son cours par un état passionné des connaissances sur l'histoire naturelle de l'olivier. Il poursuit aujourd'hui par la culture de cet arbre, avant de présenter la production d'huile d'olive. Il propose donc de suivre les diverses phases de traitement des olives, dont les paramètres botaniques imposent des étapes qui, jusqu'à la technologie moderne, ont peu varié sur la longue durée. Après avoir consacré sa thèse à l'huile et au vin dans la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun s'est spécialisé dans l'étude des vestiges d'activités économiques grecques et romaines. Il a fouillé de nombreuses installations oléicoles et vinicoles romaines en Provence, mais aussi en Italie et en Grèce. En 1978, il lui a été confié la direction du Centre archéologique du Var, qu'il a quitté en 2000 pour celle du Centre Jean Bérard, CNRS École française de Rome à Naples. Depuis 2012, il est professeur au Collège de France et dans sa leçon inaugurale donnée cette année-là, il expliquait, je le cite, « Longtemps négligée, l'archéologie des activités artisanales et manufacturières, au sens que lui donne Jean-Paul Morel, a pris durant les 20 dernières années un nouvel essor, tant en proposant des modèles à partir des installations bien conservées comme celles de Délos ou de Pompéi, qu'en s'interrogeant sur leur importance relative. » Dans cette même leçon inaugurale, il notait encore à propos de l'association du vin et de l'huile d'olive que nous retrouverons tout au long de cette série, et je le cite, « Au-delà de l'intérêt historique, l'étude du vin et de l'huile dans l'Antiquité prend au XXIe siècle une importance économique particulière. Dans le concert mondial, où les pays neufs ont tant d'atouts capitalistes pour produire des vins identiques aux nôtres, par leurs cépages et leurs méthodes de vinification, les vins européens n'imposent leur valeur ajoutée que par leur histoire. » Pour les vins produits sur les terroirs antiques, le vin de Falerne, en Italie, se proclame l'héritier du grand vin mis à la mode par l'aristocratie romaine. Dans ce contexte, le dégagement et la présentation de restes d'installations vinicoles sont susceptibles de promouvoir une image d'ancrage dans une tradition relayée par les routes du vin, des musées, des expositions. La plus-value des vignobles de l'Ancien Monde réside aussi dans cet imaginaire. La même démarche est suivie pour des producteurs d'huile d'olive en Italie, en Grèce et en France, qui affirment leur différence avec leurs concurrents espagnols ou tunisiens par une plus grande exigence de qualité et par une insistance sur l'ancienneté de leur tradition culturelle. Et c'est bien à cette vaste tradition sur la très longue durée que Jean-Pierre Brun nous initie, du néolithique à l'antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 17 octobre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, la culture de l'olivier. Lorsqu'on procédait à la plantation d'oliveraies en rangée, les espacements étaient déterminés en fonction de la pluviométrie, de la pluviosité, pardon, de la richesse du sol et de la présence ou non de cultures intercalaires, ce que l'on appelle en italien la cultura pomscua. Sur cette question, je vous renvoie à un article de Talamo qui concerne les vignobles, mais qui traite aussi des cultures d'olivier, qui s'appelle « Sui vigneti in Grecia », paru dans la Parole del Passato en 2006, aux pages 321-336. Théophraste, dans les recherches sur les plantes, livre 2, 5, 6, préconisait d'espacer des oliviers très largement, surtout en plaine, ce qui s'explique donc par la présence de cultures intercalaires. Dans les stèles des Hermocopides de 414 avant Jésus-Christ, on trouve deux occurrences de la cultura pomuscua. En effet, des figuiers, des vignes et des oliviers sont vendus ensemble avec de la paille et de la balle qui viennent du même terrain. Une autre stèle mentionne un champ cultivé et des oliviers. Mais ce pourrait être un terrain avec des oliviers en bordure, ce qui était, comme nous l'avons vu, la pratique courante. D'une façon générale, les écrits de la classe dominante, et en particulier Xénophon dans l'économique, ne mentionnent pas les cultures intercalaires, qui pourrait être surtout une pratique caractéristique de petits paysans. Cela ne veut pas dire que les riches propriétaires ne plantaient jamais des arbres en combinaison avec les cultures arables. En fait, en Grèce notamment, les héritages, les achats, les récupérations de terrains consécutives d'une créance non recouvrée faisaient que les propriétés des riches citoyens comportaient des terres de tout type, y compris dans les collines, et où des terrains où se trouvaient des cultures intercalaires. Mais les sources dont nous disposons montrent que les riches propriétaires préféraient des terrains consacrés à un seul type de culture, alors que les petits paysans, par sécurité, complantaient leurs parcelles en céréales et en arbres fruités, dont la vigne et l'olivier. Les géoponiques, qui sont un recueil début de l'époque byzantine et qui rassemble les traités et toutes les informations sur l'agriculture de la partie orientale dans la Méditerranée, au livre 9, paragraphe 6, indique que les alignements d'oliviers doivent être espacés de 50 coudées, c'est-à-dire de 25 mètres, afin de semer entre les rangées et de profiter de l'ombre des arbres. En Afrique punique, l'agronome carthaginois Magon préconisait des espacements plus grands qu'en Grèce, de l'ordre de 15 à 22 mètres, du fait de l'aridité du climat qui caractérise l'Afrique. Et vous trouvez cette indication dans l'histoire naturelle de Pline, au livre 17, paragraphe 93. Aujourd'hui d'ailleurs, les oliviers sont très espacés dans le Sahel, entre 16 et 24 mètres. À l'époque romaine, Columel, au livre 5, paragraphe 9, donc au 1er siècle de notre ère, conseillait des espacements de 18 mètres entre les rangées d'oliviers dans les bons terrains, où l'on pouvait planter du blé entre les arbres, et de seulement 7,50 m, là où cela n'était pas possible. Pline rapporte que, dans la province de Bétique, les céréales étaient cultivées entre les oliviers, histoire naturelle 1794, ce qui montre qu'encore au 1er siècle, une forte production d'huile exportée s'accommodait de cultures intercalaires. Il est clair que les cultures intensives destinées à la commercialisation impliquaient des arbres plantés régulièrement. C'est bien ainsi qu'agissaient les riches propriétaires grecs. Dans le discours de Démosthène, Société contre Macartatos, 43, paragraphe 69, l'olivette du domaine d'Agnias semble bien plantée de façon dense et régulière, car elle comprend plus de 1000 oliviers. En 418-417 avant Jésus-Christ, un décret de l'archonte Basileus à Athènes met en adjudication la construction d'un mur de clôture et la plantation de 100 oliviers dont le nombre fait penser qu'ils étaient régulièrement alignés dans le Téménos du sanctuaire de Codros, Néléus et Basilée, qui était donc en cours d'aménagement. Une fois les espacements déterminés, il fallait creuser les trous de plantation jusque dans le substrat. Théophraste, dans « Les causes des plantes 3-4-1 » et dans « Recherche sur les plantes » livre 2-5-1, recommande que ces trous soit fait longtemps à l'avance, jusqu'à 3 pieds de profondeur, et d'y mettre des branches, de l'eau et des copeaux, afin que la lente décomposition des matières organiques nourrisse le jeune plant. La fosse avait la propriété d'accumuler l'eau lors des pluies et de la restituer lentement. Les mêmes recommandations se retrouvent durant toute l'Antiquité, jusqu'aux géoponiques, où il est écrit « Les tranchées doivent être creusées un an à l'avance » pour que le sol soit ameubli. Si l'on est pressé, il faut brûler au fond des tranchées, 2 mois avant, des branchages de façon à assainir. Et ces tranchées doivent avoir une profondeur de 3 coudées, en tout cas pas moins de 2 coudées et demi. Ces fosses de plantation doivent donc être retrouvées par l'archéologie. Mais il faut constater que, là encore, les traces archéologiques sont rares. Je ne peux guère citer que 2 exemples. À Passo di Corvo, en Apulie, c'est-à-dire dans les Pouilles actuelles, des alignements de trous de plantation ont été découverts lors de la fouille de l'habitat néolithique. Bien qu'elles ne soient pas datées avec une grande précision, leur origine romaine semble assurée. L'implantation très régulière montre des espacements de 6 mètres entre les arbres, ce qui pourrait correspondre à des oliviers qui aurait donc une densité de 280 arbres à l'hectare. Un autre exemple a été mis en évidence dans la région de Sbeitla, en Tunisie, et montre des fosses de plantation espacées de 9 mètres environ dans une zone qui pouvait être irriguée. Et je vous renvoie à un très intéressant article de Barberi et de Loum, paru dans l'Antiquité africaine en 1982, qui s'appelle « La voie romaine de Piémont, Sufetula Maslianae, Djebel Mkhla » en Tunisie centrale. Selon les lieux où ils étaient plantés et selon la pluviométrie, les oliviers étaient plus ou moins productifs. En Judée, la Mishnah distingue entre les bonnes et les mauvaises terres à oliviers. De même que Théophraste, dans « Les causes des plantes », livre 3, 6, 7, et dans « Recherche sur les plantes », en 3, 2, 5. D'ailleurs, la connaissance des particularités de production fit qu'à partir de Dioclétien, l'administration fiscale intégra la valeur agronomique des terres dans le calcul de l'impôt, distinguant les olivettes de plaine de celles de montagne, taxées 2 fois moins. Qu'ils soient plantés en file serrée ou régulière, ou bien dispersés en bordure des champs ou des terrasses construites dans les collines, les oliviers étaient déclarés au fisc et vendus à l'unité, et non à la surface de terre qu'ils occupaient. Nous avons des attestations de ces règles fiscales durant toute l'Antiquité, et même l'Antiquité tardive, par exemple dans les tablettes d'Albertini, ces tablettes de bois auquel on a donné le nom d'Eugène Albertini, qui était professeur au Collège de France entre 1932 et 1941, ont été trouvées à 100 km au sud de Tébessa, en Algérie. Elles faisaient partie des archives d'un domaine possédé par un grand propriétaire nommé Flavius Geminus Catulinus, et elles concernent des ventes d'oliviers, de pressoirs, d'esclaves et d'un vignoble au cours de la période vandale entre 493 et 496 après Jésus-Christ. Et donc, dans ces tablettes d'Albertini, on voit bien que les oliviers sont vendus à l'unité et non pas à la superficie de terre sur laquelle ils sont plantés. Une bonne part de la Méditerranée, comme vous le savez, souffre de déficit de pluviométrie, auquel l'olivier résiste tant bien que mal, mais qui peut restreindre très fortement sa production, voire, dans certains cas, le faire mourir. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les oliveraies espagnoles et certaines oliveraies italiennes sont arrosées en permanence par des systèmes de goutte à goutte. Et dans l'Antiquité, l'arrosage des oliviers était nécessaire dans certaines zones. En Attique, les champs des grands propriétaires possédaient des systèmes d'irrigation. Une inscription relative à la vente des biens confisqués aux Hermocopides en 414 avant Jésus-Christ indique qu'un jardin appartenant au riche Adeimantos était équipé de 4 systèmes d'arrosage. Je rappelle que l'affaire des mutilateurs des statues d'Hermès est très embrouillée. À la veille de l'expédition militaire d'Athènes en Sicile, Alcibiade, qui commandait l'expédition, et plusieurs riches aristocrates furent accusés d'avoir parodié les mystères d'Eleusis et d'avoir mutilé les statues d'Hermès à Athènes. Ils furent exilés et leurs biens confisqués furent vendus aux enchères. Les inscriptions de ces ventes, trouvées dans les fouilles de l'Agora d'Athènes, nous renseigne en détail sur le patrimoine de certains riches athéniens de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, dans cette inscription qui est inscription de Graeke 3-426, on a la vente des biens d'Adeimantos et qui possédait donc des systèmes d'arrosage qui devaient profiter aux oliviers. Dans les régions arides de Tripolitaine, d'Afrique et de Mauritanie, seules des techniques d'irrigation sophistiquées permettaient la culture de l'olivier et des autres arbres fruitiers. La gestion de ce bien précieux qu'est l'eau était encadrée par des règlements. Un de ces règlements a été conservé par une inscription de l'époque romaine trouvée à La Masba, une agglomération située à 40 km au sud-ouest de Lambèze en Algérie. Une commission d'experts fixa par écrit les temps d'arrosage des diverses propriétés irriguées par une source qui avait un gros débit. L'unité de superficie, plus exactement, correspond à la surface de terre entourant un olivier. Et donc, c'est clair que ce système d'irrigation était principalement destiné aux oliviers. Les parcelles sont arrosées ainsi plusieurs fois par an, d'abord pour obtenir du blé semé entre les arbres, mais donc il est clair que l'eau profite aussi à ces derniers. Et sur cette question, je vous renvoie à 2 articles tout à fait intéressants. L'un de Brenshaw, qui s'appelle La Masba, An Ancient Irrigation Community, paru dans l'Antiquité africaine 1982. Et il y a eu ensuite une nouvelle interprétation et révision par Christian Meuret, et qui s'appelle « Le règlement de La Masba, l'étape de conversion appliquée à l'irrigation », paru dans la même revue Antiquité africaine, mais en 1996. Les tablettes d'Albertini, qui concernent la même région, montrent que les grandes plantations d'oliviers de la steppe africaine n'étaient possibles que par un système compliqué d'irrigation qui transparaît bien dans les actes de vente, qui concernent non seulement les arbres, mais aussi les droits à l'eau qui leur sont attachés. Un peu plus à l'est, les traces de plantation du Djebel Brila entre Sufetula et Massianae sont associées à un système d'irrigation à partir d'une source. Nous avons aussi d'autres indications dans la correspondance de Lucius Bellienus Gemellus. C'est pour nous un personnage intéressant, car c'est un vétéran de l'armée romaine qui était devenu propriétaire terrien assez aisé dans le Fayoum en Égypte, vers 100 après Jésus-Christ. Et la correspondance qu'il a laissée et qui a été retrouvée nous permet d'entrer directement dans les pratiques agricoles. Bellinus possédait des olivettes à Eméria, à Dionysias et à Appias, c'est-à-dire dans plusieurs villages du Fayoum, et il écrivait souvent à Epagathos, qui était son esclave et qui lui gérait un domaine situé à Dionysias, dans la partie nord-occidentale du Fayoum. Dans cette correspondance, on trouve de nombreux détails pratiques sur les soins à donner aux oliviers, et notamment sur l'arrosage, qui doit être pratiqué à plusieurs reprises en cours d'année. Évidemment, nous sommes dans le Fayoum, donc dans une zone qui est très chaude, et si l'olivier n'est pas arrosé, il ne donne rien. Et je vous renvoie à la publication de cette correspondance qui a été faite par Olwain dans un article qui s'appelle « Le vétéran Lucius Bellinus Gemellus, Gentleman Farmer, au Fayoum », paru dans « Études de papyrologie 8 » en 1957. Pendant les premières années de l'arbre, il fallait donner des soins réguliers, qu'il soit planté dans une pépinière ou à son emplacement définitif, il fallait l'arroser, le protéger du vent, qui est son pire ennemi à ses débuts. Déjà, Homère, dans l'Iliade, au chant 17, vers 53-58, écrit « On voit parfois un homme nourrir un plant d'olivier magnifique en un lieu solitaire, un beau plant plein de sève, arrosé d'une eau abondante, vibrant à tous les vents qui soufflent d'ici et de là, tout couvert de blanches fleurs. Mais un vent vient soudain en puissante rafale qui l'arrache à la terre ou plonge sa racine et l'étend sur le sol. » Et donc, c'est tout à fait la description de ce que risquent les plants de petits oliviers. Et c'est pour cela que le serment des Éphèbes de Dréros, qui est une cité de la partie orientale de la Crète, prévoyait que chaque année, il plantasse un olivier. Le serment de Dréros est en fait la conclusion d'un cycle initiatique de jeunes gens qui comprenait un combat entre les habitants de Milatos et de Dréros. Milatos est une ville voisine. Et évidemment, les jeunes de Dréros étaient censés défendre leur territoire. L'épreuve dite de l'Aguela, qui semble être une course, et comprenait aussi la plantation d'un olivier. L'initiation comprenait donc trois temps, le combat des jeunes aux frontières, la course, et la plantation qui manifestait l'intégration dans l'espace cultivé de la cité et dans le corps civique, ainsi que la solidarité vitale entre le jeune olivier et le jeune homme. En fait, si la culture proprement dite de l'olivier demande peu d'efforts permanents en dehors de la taille du piochage de la récolte, les aménagements nécessités par sa plantation peuvent être considérables. Nous avons vu que l'olivier aime les collines. Théophraste écrit qu'il supporte des sols fins sur les collines, notamment donc dans « Recherche sur les plantes », livre 3, 2, 5. Les anciens les plantaient sur les collines d'autant plus volontiers que les plaines et les vallons étaient souvent consacrés aux céréales qui formaient l'alimentation de base. Selon Théophraste, les meilleures terres étaient réservées aux céréales et les autres aux arbres. Et je vous renvoie aux causes des plantes, livre 1, 18, 1. Mais il disait aussi que la plaine est la terre d'élection de l'olivier. On recherche les plantes 2, 5, 7, ce qui signifie qu'il y pousse mieux, ce qui est évidemment assez clair. Mais les collines pentues, où on essayait d'étendre les oliviers, nécessitent des aménagements qui ne se limitent pas aux trous de plantation. Il faut construire des murs de soutènement, il faut épierrer, il faut remonter la terre des bas des pentes pour créer des terrasses. Il faut prévoir des systèmes d'irrigation ou au moins de recueil optimum des eaux pluviales. Ces travaux, fort longs et coûteux, ne pouvaient être réalisés que par des paysans qui ne comptaient ni leur temps ni leur peine pour agrandir leur exploitation sur des terres ingrates et pentues, pour tenter de dégager des profits certes aléatoires, mais qui s'ajoutaient à ceux plus réguliers des céréales, et surtout pour transmettre cet héritage précieux à leurs descendants. Et c'est ça la motivation profonde. Or, l'archéologie des terrasses de culture n'est pas assez pratiquée. Pour l'époque moderne, les travaux de Philippe Blanchemanche, et je vous renvoie à son ouvrage « Bâtisseur de paysages, terrassement, épierrement et petite hydraulique agricole en Europe au XVIIe, XIXe siècle », paru en 1990. Donc ces travaux ont mis en relation la construction des terrasses de culture en Provence et dans les Cévennes entre la fin du XVIe siècle et le XIXe siècle avec l'extension de la culture de l'olivier et de la vigne. Dans la Vonnage, près de Nîmes, Emmanuel Leroy-Ladurie, dans son ouvrage sur les paysans du Languedoc, paru en 1966, mettez la construction de ces terrasses au compte de la viticulture qui s'étend à partir du XVIIe siècle. Mais est-ce qu'on peut appliquer ce raisonnement à l'Antiquité? Romain Harfouch s'est penché sur cette question dans plusieurs articles et dans un ouvrage intitulé « Histoire des paysages méditerranéens terrassés, aménagement et agriculture » paru à Oxford chez Archéopress en 2007. Étudiant des époques plus reculées et la longue durée en général, elle arrive à la conclusion que le lien de causalité entre les terrasses que l'on établit pour faire les plantations et les cultures arbustives n'est pas établi. D'une part, en Méditerranée orientale, notamment en Palestine et en Grèce, les murs de soutènement et les terrasses ont commencé d'être construits à une époque très ancienne, certaines dès l'âge du bronze. Et d'autre part, les terrasses ne sont pas nécessaires aux cultures d'oliviers, comme on le voit encore en Kabylie, où les arbres sont sur les pentes sans qu'il n'y ait d'aucun aménagement. Les plus anciennes terrasses connues sont effectivement datées de l'âge du bronze. La fresque miniature, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'Akrotiri, qui date de la fin du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous savez, Akrotiri, c'est ce village qui a été enseveli par l'éruption du volcan de Terra, montre une scène marine avec des bateaux et des villes, et montre aussi un village situé sur un rivage dominé par des montagnes et des pâturages et 5 champs en terrasse qui sont enclos par des murs parallèles à la pente. Donc, une situation très typique des terrasses de culture. Les exemples archéologiques sont nettement moins sûrement datés. On a attribué les terrasses de Berbati en Argolide à l'époque mycénienne. À Délos, selon les travaux de Romain Harfouch, des sondages montrent qu'une partie des terrasses pourrait remonter à l'âge du bronze. Et dans la haute vallée du Nahr Ibrahim, au Liban, aménagée en terrasse jusqu'à 1700 mètres d'altitude, un sondage qu'elle a réalisé montre que pour l'essentiel, les terrasses remontent à l'époque romaine, mais qu'en dessous des terrasses d'époque romaine, il existe des murs, peut-être d'un habitat, et peut-être aussi destinés à porter des cultures, et ces murs remontent jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. D'autres auteurs ont souligné que dans certaines régions, il y avait un lien entre l'oléiculture et la construction des terrasses. C'est ainsi que les travaux de Lohmann en Attique ont montré que les terrasses datées des 5e et 4e siècles et qui sont reliées par des chemins ou fermes de cette période seraient liées à l'extension de l'oléiculture. À Délos, autour de la ferme 13, dans le sud de l'île, il existe tout un complexe de terrasses et de chemins qui devait fonctionner avec la ferme hellénistique, son aire à battre le blé et son réservoir. Et là, c'est à nouveau les travaux de Romain Harfouch, publiés donc en 2007, aux pages 155-156 de son ouvrage. À René, en face de Délos, les terrasses sont associées à des fermes antiques de la même façon, et à Thasos, vers Prinos, Pierre Poupée a signalé des terrasses en appareil pseudo-isodome à proximité d'un site des 6e et 4e siècles, et ce site est doté d'un pressoir. Il faut toutefois remarquer que l'abandon d'une île telle que Délos à la fin de l'Antiquité n'a pas signifié l'abandon des cultures. En effet, au XIXe siècle, selon Cailleux, qui a fait une description très précise de l'île au moment où les fouilles ont commencé, les terrasses étaient encore régulièrement exploitées par les habitants de l'île voisine de Mykonos. Ce qui veut dire que la disparition de l'habitat sur l'île de Délos n'a pas entraîné d'abandon des cultures, et donc par conséquent, un certain nombre de terrasses ont pu être réparées, remontées, ou voire créées de toutes pièces bien après l'Antiquité. La discontinuité d'habitat ne signifie donc pas interruption des cultures, et ce continuel remodelage rend incertain tout discours sur la nature et l'évolution des cultures. Faut-il lier donc la construction des terrasses et le développement de l'agriculture ? Lynn Foxall, dans son article « Feeling the Earth Move, Cultivation Techniques on Steep Slope in Classical Antiquity », paru dans « Human Landscape in Classical Antiquity » à Leicester en 1996, pensait que l'effort de construire les terrasses était motivé en Grèce par la valeur des productions qui seule les rendait rentables. Toutefois, si l'on suit Isocrate dans le discours qui s'appelle Panégyrique 4.132, les habitants des îles grecques étaient en fait contraints de cultiver les montagnes car ils n'ont pas de plaine, ce qui explique l'existence de terrasses probablement destinées principalement aux cultures vivrières plutôt qu'aux cultures spéculatives. Bien sûr, cela n'exclut pas ni la vigne, ni l'olivier, ni les autres arbres fruitiers, qui font d'ailleurs partie des cultures vivrières, mais cela relativise très fortement leur place et en tout cas la motivation que cela représente. En conclusion sur ce point, la construction des terrasses, je crois, fut rarement motivée par l'oliculture et la viticulture, mais bien plutôt corrélée avec la démographie. En Grèce ou en Palestine, l'augmentation de la population rendait nécessaire soit l'émigration, soit la création de nouveaux espaces cultivables gagnés sur les pentes. Le plus vraisemblable est qu'on y pratiquait d'abord une polyculture vivrière qui était associée parfois à des cultures arbustives, mais sans exclusivité. Au total, il faut renverser les perspectives. Les riches propriétaires n'exploitaient certainement pas les terres marginales des collines en construisant des terrasses. L'investissement en temps et en main-d'œuvre n'était pas rentable, d'autant plus que les rendements y étaient bas. Les riches possédaient des terres en plaine, faciles à cultiver et plus productives, et c'est à ces terres-là que s'applique la remarque de Théophraste sur la plaine où l'olivier pousse le mieux, dans Recherche sur les plantes 257. Étant donné la forte proportion des terres détenues par les riches, cela expliquerait la relative rareté des terrasses dans la documentation écrite antique et même, d'une certaine façon, dans l'archéologie. En effet, je crois que les terrasses ont toujours été l'affaire de petits paysans qui cherchaient, au prix d'un travail harassant et disproportionné, à accroître un peu leurs terres cultivables, d'autant plus nécessaire pour eux qu'ils avaient des enfants et que la pression démographique augmentait. Cette augmentation démographique est manifeste par la création des terrasses non seulement dans les îles grecques, mais aussi à Samarie, en Jordanie, à Erbet en Darit, par exemple, dans le massif calcaire de Syrie du Nord, en Tripolitaine, dans la haute steppe de Tunisie et dans l'Aurès. Elle a dû exister ailleurs, sur le pourtour nord de la Méditerranée, mais la continuité d'occupation des terres rend le phénomène plus difficilement décelable et très difficilement datable. Quoi qu'il en soit, même si des oliviers ont été plantés sur ces terrasses, ce n'était probablement ni la règle, ni leur raison d'être. Ce temps des olives, je ne connais rien de plus épique. La cuve aux déchets, là-bas au fond, où l'eau ne coule plus qu'à peine mordorée, on lui dit les enfers dans notre langage. en fer tout le moulin, du seuil au mur du fond. Et de la fumée que le vent rabat et qui déboule en seaux de neige, casse les souffles et bouche les yeux comme deux coups de poing. Il faut toute cette chaleur pour la naissance de l'huile et toute cette eau pour la laver sitôt née, lui faire cette belle peau d'or, nette et lisse. Un cheval, aveugle ou les yeux bandés, tourne la barre du moulin. La meule est lourde, en granit ou en marbre, et les olives gémissent là-dessous. Le cheval marche en rond dans la boue. C'est sa sueur qui a inondé la terre sous ses sabots. Sa sueur est celle des hommes nus, là autour. Dans l'auge du moulin, on vient remplir les couffes. Cette bouillie d'olives saigne entre les mains. On emplit les couffes sous le pressoir. On se bande à la barre, trois, pas plus de trois. Et il faut tout donner. Les bras, le cou, les épaules, le ventre, les reins et ces grands muscles qui attachent les cuisses. Jean Giono. Le Collège de France et France Culture vous présente l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui la culture de l'olivier. Venons-en maintenant à la question de la greffe et des travaux agricoles. Après la plantation, l'opération la plus importante est la greffe. Mis à part certaines variétés, les oliviers doivent tous être greffés pour produire de beaux fruits. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains 11:24, applique cette règle aux hommes. Et je cite, « Si toi, tu as été ôté à ta nature d'olivier sauvage pour être greffé contre ta nature sur un olivier franc, combien ceux-là seront-ils mieux greffés sur l'olivier de leur propre nature ?» Cette pratique très ancienne était grandement en faveur en Grèce et en Afrique. Pline écrit qu'un procédé particulier à l'Afrique consiste à greffer des oliviers sur l'olivier sauvage en les éternisant, pour ainsi dire, quand ils vieillissent. Une tige nouvelle était mise par adoption, et ainsi, du même arbre, repousse un autre arbre, et ainsi de suite. Chaque fois qu'il est nécessaire, de sorte que les mêmes oliveraies durent des siècles. On pratique sur l'olivier sauvage la greffe enfante et l'inovulation. En effet, plusieurs types de greffes sont décrits par les auteurs antiques, principalement par Caton, par Columelle, Pline et Palladius, qui les détaillent. Je vous renvoie par exemple au manuel d'agriculture de Caton, paragraphe 40, ou l'histoire naturelle de Pline, livre 17, paragraphe 107-112. On les pratiquait au printemps en faisant la greffe à la plume, qui consiste à fendre le bois et à insérer un greffon portant un talon biseauté. Pour les arbres plus gros, il convenait de procéder à une greffe en couronne, où l'on insère plusieurs greffons entre l'écorce et le bois tout autour du tronc. Enfin, au mois d'août, on pouvait pratiquer la greffe en écusson, où l'on met un morceau d'écorce portant deux yeux qui sont prélevés sur un olivier de la variété choisie. Donc, ce sont des techniques qui sont tout à fait bien en place dès une époque très ancienne, et finalement, il n'y a pas eu de modification jusqu'à présent. Et puis, il y avait aussi tous les travaux annuels. Les travaux agricole que demandait l'olivier en cours d'année était considérée comme relativement limitée. Virgile, dans les Géorgiques, disait « Les oliviers n'exigent aucune culture. Ils n'attendent pas l'intervention de la serpe recourbée ni des houes tenaces une fois qu'ils ont pris pied en terre et supporté les brises. » Cette opinion est fondée en partie sur la pratique des cultures intercalaires, où les travaux qui sont réalisés pour cultiver les blés, les légumineuses ou les légumes profitent aux arbres et donnaient donc l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour les soigner. Et cette opinion a toutefois été en permanence combattue par les agronomes, qui sont les porte-parole des grands propriétaires, et qui, en quelque sorte, par leur insistance, montrent bien que les oliviers étaient souvent un peu délaissés. Et Columel, au livre 5, paragraphe 9-13, résume les travaux à réaliser pour les oliviers en une formule. Il dit « Qui laboure l'olivette l'a pris de donner des fruits, qui la fume le demande, qui la taille l'exige. » On va donc voir ces trois aspects. Il y avait d'abord les travaux de printemps et d'été où l'on nettoyait les pieds et on arrachait l'herbe, comme le montre la célèbre mosaïque des travaux champêtres de Cherchel, l'ancienne Kaysaria en Algérie, où l'on voit les oliviers qui sont labourés et qui sont piochés très énergiquement par un ouvrier agricole. L'olivier demande en effet moins de soins que la vigne, mais tout de même, il faut le piocher. Ce piochage régulier détruit les racines en surface et oblige l'arbre à se développer en profondeur, ce qu'avait bien vu Théophraste dans l'Écosse des plantes en 5, 9, 8. Ce piochage élimine aussi les herbes qui concurrencent l'arbre et qui lui prennent une part de l'humidité qui est disponible. Durant l'automne, on creusait un bassin autour de l'arbre pour recueillir les eaux de pluie. Les baux d'Héraclée de Lucanie, qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ et qui nous ont été conservés sur des tables de bronze retrouvées en 1732 à Policoro, en Italie du Sud, qui sont des locations de propriétés qui appartiennent à des temples et dans lesquelles on donne des prescriptions très précises aux locataires. Et il est dit, quant aux oliviers, figuiers et arbres fruitiers qui se trouvent dans le lot, le preneur y creusera des rigoles et des cuvettes nécessaires, c'est-à-dire donc on faisait tout autour une cuvette qui a l'avantage de rassembler les eaux de pluie et maintenir de l'humidité. À la fin de l'hiver, on piochait de rechef les arbres pour casser la croûte afin que l'eau de pluie puisse bien pénétrer. Selon Théophraste, dans l'Écosse des plantes 3-9-5, on en profitait pour apporter de la fumure qui nourrit l'arbre et retient l'humidité. Selon le manuel d'agriculture d'Androthion, qui est cité par Théophraste dans les recherches sur les plantes 2-7-3, l'olivier a besoin d'un fumier très fort et d'un arrosage abondant s'il a été taillé. À l'époque romaine, on utilisait du fumier, mais aussi du marc d'olive, et certains auteurs recommandaient de déposer au pied des oliviers soit de la chaux, et je vous renvoie à Columel en 5, 9, 17 et à Pline dans l'Histoire naturelle 17, 47, soit de la cendre tirée des fours à chaux. Et là, vous trouvez la mention dans l'Histoire naturelle, livre 17, paragraphe 53. Il fallait à nouveau piocher les oliviers durant le printemps, puis en été, afin de créer de la poussière qui limite l'évaporation, selon Théophraste et plusieurs auteurs. Ce travail de piochage intensif et spécialisé était surtout réalisé sur les propriétés des riches, qui disposaient d'esclaves nombreux. Les petits paysans qui pratiquaient les cultures intercalaires ne les pratiquaient probablement beaucoup moins et avaient l'impression que l'olivier ne réclamait pas de travail, car, comme nous l'avons vu, il profitait des travaux qu'on donnait aux autres cultures. Outre ces piochages, il fallait s'occuper de la taille, qui est une grande affaire. La taille durait un bon mois au printemps. La taille favorise la pousse du bois de l'année, et donc qui porte les fruits, et permet d'enlever le bois improductif ou le bois qui est mal placé, de façon à ce que l'arbre reçoive bien de la lumière et de l'air, afin, d'une part, de faciliter la photosynthèse et, d'autre part, de fixer le carbone. Une aération de l'intérieur de l'arbre limite aussi les attaques des champignons, car les branches sont bien ventilées, donc il y a moins d'humidité résiduelle. Théophraste avait déjà bien analysé les vertus de la taille, notamment dans l'ouvrage sur les causes des plantes en 3-2-3 et en 3-7-6, et il soulignait que les vieux oliviers ont besoin d'une taille sévère pour être régénérés. Et vous trouverez une mention de cela dans Recherche sur les plantes, livre 2-7-3. Cette pratique est aussi rappelée par Caton dans le manuel d'agriculture, paragraphe 44, et dans Pline, dans l'histoire naturelle, 1727. Les anciens n'ont pas toujours bien compris les principes de la taille. Ils ne la pratiquaient pas couramment, la taille, ce qu'on appelle de formation, qui est destinée à façonner l'arbre afin qu'il ne pousse pas trop haut et qu'il présente une ramure équilibrée. La taille de fructification était effectuée annuellement, comme de nos jours, et Théophraste préconisait effectivement de la réaliser après la récolte, alors que, en revanche, Columelle, au livre 5, en 9-16, conseillait de ne la pratiquer que tous les 8 ans, c'est-à-dire lorsque le bois ne produit plus et devient dur, ce qui est certainement insuffisant. Donc, on voit bien que selon les auteurs, ils ont pas toujours bien saisi la finalité et la périodicité, la bonne périodicité pour effectuer une taille. Le climat méditerranéen étant sec, les oliviers souffrent lorsqu'ils deviennent trop grands et doivent donc être rabaissés, ce qu'avait bien vu Théophraste dans les causes des plantes 3-7-11. Pour cette raison et pour faciliter la récolte, il fallait maintenir l'olivier assez bas par une taille sévère, un peu du type de ce qu'on voit ici en Espagne. Une taille habile permet de diminuer l'alternance des bonnes et des mauvaises années de récolte et elle permet de contrôler la croissance des arbres. Mais les sources dont nous disposons ne concernent que l'Italie, l'Espagne et la Grèce, soit les régions où l'olivier subit les climats les plus froids, en tout cas plus froids que ceux d'Afrique et de Syrie. Or, dans ces régions, qui concernent aussi l'Italie du Sud, on laissait des oliviers devenir énormes. Certains sont pluricentenaires en les taillant peu ou pas du tout. Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 17, paragraphe 93, témoigne qu'un olivier africain était si gros qu'il livrait 1000 livres d'huile, chiffre probablement exagéré, mais qui montre bien la tendance à laisser les arbres atteindre leur développement naturel maximal. Cette longue tradition se perpétue aujourd'hui. Il suffit de rappeler les énormes oliviers de Syrie et de Palestine ou ceux qui poussent en Kabylie ou en Istrie. Je me rappelle par exemple que sur l'île de Brioni, il y a des oliviers qui sont millénaires et qui sont absolument énormes et qui atteignent un très grand développement en hauteur, ce qui rend évidemment très difficile la récolte des oliviers. Les anciens avaient à faire face, comme nous, à divers fléaux qui attaquaient leurs oliviers. L'Orient, l'Égypte, l'Afrique et certaines contrées du pourtour septentrional de la Méditerranée, notamment la côte dalmate, bien abritée, échappent généralement au gel. Dans ces régions, rien ne devait entraver le développement des oliviers, à la différence de la Provence et du Languedoc, où des gelées périodiques les maintenaient à une petite taille. Je rappelle qu'en France, le gel de 1956 fut particulièrement néfaste parce qu'il eut lieu en février, au cours d'un hiver très doux, et la végétation s'était déjà réveillée. Ce gel détruisit une grande partie des arbres, comme l'avaient fait des gels catastrophiques du XVIIIe siècle, 1709, 1768, 1789. Et c'est cette menace permanente qui a certainement entravé l'expansion de l'olivier dans l'intérieur de la Gaule, mais aussi en Illyrie, c'est-à-dire sur la côte de l'Adriatique, et surtout dans la partie nord de l'Adriatique, et également dans les montagnes. Lors des phases de régression de la culture de l'olivier, le gel a pu précipiter l'abandon de l'oliculture dans des secteurs qui étaient situés à la limite de la zone naturelle où il pousse. Et donc, c'est un facteur tout à fait considérable de limitation de l'extension de sa culture. Théophraste rapporte, dans Les causes des plantes, livre 5, en 14.3, qu'à Larissa, en Thessalie, donc au nord de la Grèce, alors qu'il y avait beaucoup d'eau et que la plaine était inondée, l'air était plus épais et la région plus chaude. Quand l'eau fut drainée et ne put plus y séjourner, la région se refroidit et les gelées devinrent plus fréquentes. On en donne comme preuve, dit-il, la disparition des grands et beaux oliviers de la région et de la ville elle-même. D'autres secteurs plus méridionaux subissent des microclimats défavorables et sont affectés par des vents froids qui brûlent les oliviers. Théophraste mentionne notamment l'Olympias, le vent qui souffle en Eubée, et qui, lorsqu'il souffle avant le solstice d'hiver, dessèche les arbres. Il rapporte cela dans Recherche sur les plantes en 4.14.11. En d'autres lieux, c'est au contraire l'excès de chaleur qui est à redouter. Selon Pline, dans l'Histoire naturelle, 17, paragraphe 232, l'Ataboulus, un sirocco qui souffle en Apulie au printemps, peut détruire les fleurs et les bourgeons, et pour une année au moins, tout espoir de récolte des olives, des figues et des raisins. La grêle aussi était fort redoutée des agriculteurs, car elle frappait indistinctement toutes les cultures, y compris les oliviers. Une inscription à visée magique a été publiée par un Aïdé Furchou et un Nick Gabillon, et sous le titre « Une inscription grecque magique de la région de Bouharada en Tunisie » et les quatre plaies de l'agriculture antique en proconsulaire, paru dans un colloque sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord du bulletin archéologique du Comité des travaux historiques en 1985. Et cette inscription avait été enfouie par un propriétaire du IIIe siècle de notre ère qui était exaspéré par les fléaux qui ravageaient son domaine, situé donc à Bouharada, entre Tuburbo Maius et Furnus Maius, en Tunisie du Nord, au sud de Carthage. Pour protéger, je cite l'inscription, de la grêle, de la rouille, qui est un parasite, de la colère des vents d'ouragan et de l'essaim des criquets malfaisants, les vignes, les oliviers et les champs ensemencés. Et il fait donc appel à des formules magiques qui faisaient intervenir pas moins de 9 démons. C'était l'un des rares moyens à disposition pour essayer de conjurer tous ces fléaux. La grêle était d'ailleurs un fléau récurrent dans cette région, car on y a trouvé une croix en plomb qui est datable des 6e, 7e siècles après Jésus-Christ, précisément en Furnus Maius, qui porte une inscription magique pour détourner la grêle des oliveries. Donc on voit que ça les frappait beaucoup et ils essayaient de s'en prémunir. Comme la vigne, l'olivier est la proie de nombreux parasites. Le puceron, par exemple, qui est attesté déjà à Terra au XIIe siècle avant Jésus-Christ, la psylle, qui est qu'on appelle vulgairement la maladie du coton, les vers, le clou qui est causé par un bacille, et on a plusieurs textes qui décrivent les ravages. C'est Théophraste dans La recherche sur les plantes, livre 4, 14, 3, dans Caton, au manuel d'agriculture en 6.2, chez Columel, au livre 5, paragraphe 9, 14, et enfin chez Pline, dans l'Histoire naturelle, en 17.223. Il y avait aussi la fumagine, qui est un champignon noir qui se développe sur les feuilles et le tronc, qui est déjà connu du corpus hippocratique, qui l'utilise d'ailleurs ce produit pour faire des médicaments. Il faut mentionner particulièrement la teigne, parce que ces ravages sont bien décrits au IVe siècle par Théophraste. Il décrit à Millet, vers l'époque où fleurissent les oliviers, des chenilles en dévorent les unes les feuilles et d'autres, d'une génération différente, les fleurs. Et elles en dépouillent les arbres, elles apparaissent par vent du sud et par beau temps. La teigne est particulièrement nocive car elle détruit toute la récolte et également parce qu'elle s'introduit dans le noyau de l'olive et lorsqu'on écrase le noyau, le parasite donne à l'huile un mauvais goût. Nous verrons que c'est une des raisons pour lesquelles les anciens essayaient de ne pas écraser les noyaux d'olive lorsqu'ils faisaient de l'huile. Il y avait enfin la mouche de l'olivier, Dacus oleae, qui aujourd'hui encore cause énormément de ravages et elle est très redoutée car son ver dévore la pulpe du fruit et anéantit la récolte, tout simplement parce que l'huile est dans la pulpe du fruit. Et il n'y a qu'un refroidissement subit de la température durant l'automne, qui est d'ailleurs mentionné très clairement par Théophraste dans la recherche sur les plantes, livre 4, 14, 10. Il n'y a que ce refroidissement qui permet de, en tout cas, stopper les ravages et obtenir un peu d'huile. Donc on voit que les anciens n'avaient bien sûr pratiquement aucun moyen de combattre tous ces fléaux, mis à part, nous l'avons vu, la magie. Et par conséquent, les récoltes étaient souvent très diminuées et les olives souvent véreuses, donnant une huile forte. Et c'est peut-être pour cela que l'huile d'Afrique, par exemple, avait une mauvaise réputation, ainsi que nous le rapporte Juvénal dans la Satire 5 au paragraphe 86-91. Du Collège de France, le 17 octobre 2017, vous venez d'écouter l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, la culture de l'olivier. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. Il a publié aux éditions Errance « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » en 2017. Et chez le même éditeur en 2004, il avait publié « Archéologie du vin et de l'huile, de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France et aux équipes de la documentation d'actualité. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du monde méditerranéen antique, de la culture des oliviers et des techniques autour de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.